envie de partir, arrêter de ressentir et de me mentir. Je ferai mon choix, cela va de soi. Assumer, se maîtriser ou angoisser, jusqu'à ne plus pouvoir penser. Je ferai mon choix, cela va de soi. La peur me ronge le cœur, je ne recherche que le bonheur. Je ferai mon choix, cela va de soi. Si la vie était un rêve, je ne demanderais qu'une foutue trêve. Je ferai mon choix, cela va de soi. Humilité, loin de toutes vos activités. Humilité, loin de la terre. Humilité, loin de votre fierté. Humilité, loin d'être formaté. Humilité. Regardant le monde, ne vois-tu une hécatombe? Je ferai mon choix, cela va de soi. Mon esprit perd confiance dans ce monde rempli d'arrogance. Je ferai mon choix, cela va de soi. Je ne sais plus où aller dans ce monde de dépravés. Je ferai mon choix, cela va de soi. Où doit-on les pieds pour un petit peu de tranquillité. Je ferai mon choix, cela va de soi. Humilité, loin de toutes vos activités. Humilité, loin de l'adversité. Humilité, loin de votre fierté. Humilité, loin d'être formaté.